Après quoi, les malheureux quinto-perdiciens, dénués des sources de revenus dont vivent les petits chefs-lieux, n'auront plus, comme les habitants de certains villages, qu'à enlever les tuiles de leurs toits et les gonds de leurs portes, faute de pouvoir payer l'impôt. Or, savez-vous les raisons que le gouvernement donne pour justifier pareille iniquité? C'est qu'il ne se plaint pas assez de procès à Canperdrie et qu'il ne s'y commet pas assez de délits. Et voilà comment, sous le régime républicain, les vertus d'une localité paisible sont récompensées. Ne semblerait-il pas plutôt? Mais quittons les considérations générales, terrain glissant dont la pente pourrait nous entraîner trop loin, et contentons-nous, par une anecdote, de constater quelle âme naïve, quasi enfantine, les loisirs peu dorés d'une charge illusoire avaient faite à ces magistrats. Tous, chafourés de la vieille roche, à l'œil phosphorescent derrière les lunettes, ou substituts, frais et moulus, posés dans juste assez de duvet juvénile pour se constituer de présentables favoris, finissaient, après quelques années d'exercice, par s'acoquiner aux mêmes vices mignons, aux mêmes innocentes manies. La gourmandise, surtout, dominait chez eux. Gourmandise ecclésiastique dont les raffinements faisaient sourire. Nul pourtant n'en eût osé disputer la palme à l'estimable M. Discourtois, juge chargé de l'instruction.